420, observation, elision and liaison. Elision, l'étudiant, l'éléphant. Liaison, les étudiants, un éléphant. L'ami, l'aéroport. Les amis, un aéroport. L'histoire, l'américain. Les histoires, un américain. Note that the word that requires élision also requires liaison.